Vous êtes de retour à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Très content d'être avec vous. Et bien sûr, à ce temps ici de l'émission, c'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur le site de québecpop.com ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, Canrock. Vous pouvez lire les commentaires de disque comme tel. Cette semaine, Force inhérente, le flow franco. L'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien, Le Flow Franco, nous invite à la danse avec son nouvel opus Force inhérente qui est sorti à l'automne. Il nous offre un univers bien balancé entre sonorité, hip-hop et dance. Dès les premières notes de volte de face qu'on va entendre dans quelques instants, on est captivé par l'énergie des orchestrations et du texte, un texte des plus positifs. Tout au long de l'album, l'esprit d'une plume tournée vers l'avenir et l'espoir nous interpelle sur de bons beats de dance et pop. Il nous fait danser. Que l'on pense, on en a assez qu'on va entendre en fin de commentaire, juste là ou encore meilleure vie. Bien, nous sommes emportés par les sonorités des musiques. Du début jusqu'à la fin, c'est un univers sonore qui nous fait du bien, qui nous entraîne, qui nous donne l'énergie. Assez intéressant, merci. Je vous donne des adresses, bien sûr. Leflowfranco.com pour découvrir son univers ou encore apcm.ca, www.apcm.ca pour mettre la main sur ce disque-là qui est aussi disponible sur toutes les plateformes. Donc, allez mettre la main là-dessus. On va y aller avec la première pièce, « Vol de face ». Voici l'auteur, compositeur, interprète franco-ontarien qui se donne dans la musique hip-hop dance. Voici Le Flow Franco. Yes, j'ai dû partir pour revenir. Fresh, prêt à bâtir pour établir. Next, j'ai dû mûrir pour retranscrire. J'ai épuisé ma plume pour un nouvel avenir. Partir, revenir, pour prendre sa place. Bâtir, s'établir, bref, ça passe ou ça casse. Mûrir, pour retranscrire un nouvel espace. À la quête de moi-même, au reste, je fais volte-face. Prise de conscience, force inhérente, issue d'une renaissance, toujours à l'émergence. Dans cette métropole, qui des fois m'affole, avec la clé de sol, je décolle sans boussole. Parti à l'aventure, à la conquête de soi. Si j'ai trouvé ma voix, c'est grâce au rap et ma foi. Mais j'arrête pas, car en moi vit un orchestre. Quand la musique parle, j'oublie le reste. Laisse faire la porche de l'homme qui est crush. Fidèle à mes proches, à l'amour je m'accroche. Tu vois, quand j'étais jeune, je voulais être superstar. Mais l'éveil spirituel a fait de moi une star. Enfant du soleil, appelle-moi Esteban. Courage dans l'âme, l'aventure m'enflamme. Yes, sur la route, y'a eu plein d'obstacles. Mais quand tu crois en toi, place au miracle. Après 3 EP, l'aventure est encore divine. Longue vie est élo et mon crayon à mine. Tu vois, pour les MC, c'est sur le beat qu'on vit nos cœurs. Je vide mon âme, je gagne des fans et je vois que ça t'écœure. Sache que pour moi, la division n'est qu'une illusion. Depuis tout jeune, j'ai cette vision que mes frères feront fusion. À la Dragon Ball, Goku et Vegeta, une fois réunis, garantissons les exploits. Ha, bras, jambes, jambes, bras, tête d'un dieu. Descendance des cieux, mais rien de prétentieux. Force inhérente, sous forme humaine, car conscience dans la main. Je suis prêt pour tout problème. Musique dans les veines, cœur au microphone. Passion et amour, c'est mon âme qui résonne. Idée contemporaine, respect et unité. Un pour tous, tous pour un, je vous dis namasté. Partir, revenir, pour prendre sa place. Bâtir, s'établir, bref, ça passe ou ça casse. Mûrir, pour retranscrire un nouvel espace. À la quête de moi-même, au reste, je fais volte-face. Partir, revenir, pour prendre sa place. Bâtir, s'établir, bref, ça passe ou ça casse. Mûrir, pour retranscrire un nouvel espace. À la quête de moi-même, au reste, je fais volte-face. Dans ma liste de coups de cœur, il y a deux beaux calypsos. Bal Exotique et hashtag Haute Vibration ont les mêmes attributs. Rythme du Sud enivrant, mélodie très accrocheuse et surtout deux bons verres d'oreille. J'aime bien également Révolution, c'est un texte très puissant contre l'individualisme déposé sur une belle trame pop. Et la pièce titre Force Inhérente est ma préférée grâce à sa trame dance extrêmement puissante qui nous offre un autre texte des plus positifs signé Le Flow Franco. Vraiment intéressant. Donc, on va l'écouter justement cette pièce-titre-là de cet album-là en vous invitant, bien sûr, à aller faire un tour. Allez-y voir www.leflowfranco.com ou encore www.apcm.ca pour mettre la main sur ce disque-là. Si vous voulez un disque pour vous faire danser, un disque pour écouter sur la route à l'été avec le beau gros soleil, c'est l'album qu'il faut avoir, Force Inhérente, Le Flow Franco. Reine que tu es, beauté extrême. En sa présence, tu n'es plus la même. Pris par la douleur, ces mensonges te gênent. Absence de couleur, tu doutes de toi-même. Tu as la réponse à tes questions, tu sais quoi faire. Être en relation ne veut pas dire que t'importe guère. On est comme toi, mais ça il ne le voit pas. Élégante, importante, tu es. Une conscience, une essence, éternelle, qui enchante. Tu es d'une importance, peu importe les défis, tu restes une force inhérente. Est-ce que tes fiertés suprêmes, violence tendresse dans tes veines. Papa ou tes peines et haines, héros absent, triste scène. Amour broyé, victime tordue, foyer d'abus, rupture tendue. Papa et fils, le sang noyé, idole perdue. Petit bijou délaissé, pauvre colère encaissée. Pur cœur divisé, douleur cachée, cicatrisée. Riche passé qui te hante, le présent est ce qui compte. Mon obscur éternel drame, robuste restera ta flamme. De conscience, de essence, éternelle, qui enchante. Tu es de telle importance, peu importe les défis, tu restes une force inhérente. Une force inhérente sous forme humaine. Je suis un phénomène comme une étoile filante, astral capitaine. Je voyage, l'univers m'amène. Direction toujours incertaine, tentation un peu malsaine. Situation, duel interne, résolution, conscience qui s'entraîne. Méditation, cœur et âme, j'examine. Belle révélation, le drame j'élimine. Nouvelle doctrine, nirvana en conquête. Valorise ce que tu es, le mantra que je répète. Une conscience, une essence, éternelle, qui enchante. Tu es d'une telle importance, peu importe les défis, tu restes une force inhérente. Une conscience, une essence, éternelle, qui enchante. Tu es d'une telle importance, peu importe les défis, tu restes une force inhérente. Bref, preuve que l'on peut passer des messages puissants et avoir du plaisir. Le Flow Franco nous le démontre bien avec Force Inhérente. Une douzaine de chansons dance, hip-hop, supportant le fruit d'une plume qui nous invite à prendre notre place. Des textes remplis de positivisme, de fierté, qui nous font du bien. Découvrez l'univers des plus agréables de cet artiste franco-ontarien en allant sur le www.leflowfranco.com, leflofranco.com, c'est son site internet, aussi disponible sur l'apcm.ca, www.apcm.ca ou toutes les plateformes qu'on connaît tous, bien sûr, pour se procurer l'excellente musique franco-canadienne. On va se quitter avec une dernière chanson. C'est le clip qui a lancé il y a quelques jours. Voici « On en a assez », Le Flow Franco. On en a assez, on en a assez, on en a assez. assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Est-ce que ça va changer ou ça restera ainsi? Sérieux est le danger, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemis. Blessés et enragés, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants tendus remplis d'une ratitude. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre fierté est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, futur emprisonné. Année après année, yo, on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Regardez, se passe de quoi, on le sent dans l'atmosphère. Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi, son visage est par terre. On crie à l'aide, l'amour n'est plus le remède. La honte est rendue le maître en dehors de mon aide, c'est la haine qui succède. Action et conséquence, une famille qui porte le deuil. Petit pays en souffrance, mot et l'âme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle, nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher, et on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Violence erronée, fierté menottée, futur emprisonné. Yo, on en a assez, tanné de crier. On est fatigué, on est écœuré. Yo, on en a assez. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Donnez-moi ma chance, mon cœur. Donnez-moi sur la baisse. Et te voilà au bord de la falaise, entre nous contempler la mort. Pour effacer le tort qu'on t'a causé, ce genre de gens me sortent par les oreilles, aime de la nausée. Tant de sensu, on va te siphonner ton fric comme une marionnette. On t'utilise que pour la baisse, c'est pas chic, mais putain, on s'en fout leur slogan. Et de profiter au maximum, profitez-en bien. Et je donne rendez-vous au summum, là-haut, toute action, il aura une réaction. Jugement dernier, jour où le créateur disposera de sa création. Devant tes yeux, il déroulera l'histoire de ta minable vie. Analysant tous tes crimes, il prononce sa sentence. Souffrance à vie. Je danse la vie. À débuter le bloc de l'Est Québec-Ontario avec un souvenir, mais tout un souvenir. Hein? On se souvient du son de l'Afro, c'était l'album Afro Connexion dont faisait partie ZPN. Et c'est tout un souvenir, la pièce qu'on vient d'entendre, Je danse la vie. Toujours intéressant. Écoutez, Afro, c'est quoi? C'est 98, 99, 2000 peut-être. Donc ça fait une petite secousse, mais c'est encore bon, j'adore ça. Donc, le son de l'Afro avec Afro Connexion et la pièce Je danse sur la vie, bien sûr. On va poursuivre ça, si vous voulez bien, avec M. Monette, qui, bon, il a beau vouloir nous présenter un album. Ça n'arrête pas l'esprit de création, hein? Veux dire, on ne prend pas une pause après un album, on continue à travailler des petites choses. Et Monette nous est arrivé, bon, sûrement inspiré par la pandémie, bien sûr. Nous a inspiré un petit vidéoclip fort intéressant, une belle chanson que j'aime bien. Ça s'appelle tout simplement « Ça va bien aller ». Et si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, vous pouvez voir ce clip-là. Il y a entre autres Sean Chasnick qui est avec lui, donc et d'autres musiciens. Il y a sa fille qui fait aussi des voix. Donc, assez intéressant comme pièce, assez intéressant comme vidéo. Allez voir ça sur ma page Facebook. Et ça me fait plaisir de faire tourner cette chanson-là. Lorsque je l'ai entendue, j'ai écrit, « Hey, Monette, ça me prend ça, super bonne tune, c'est vraiment intéressant. » Il m'a envoyé le mix et je vais vous faire entendre ça dans quelques instants. Ça va bien aller, Monette. Par la suite, on va entendre Pat Grou et les Bas Blancs. Et oui, ils sont de retour. Pat Grou, qui est un humoriste, qui est à Montréal, mais il est natif. Ben, il a grandi dans la région d'Ottawa. Donc, on va écouter une petite chanson de confinement. C'est du Pat Grou et les Bas Blancs, hein? Une espèce de country, une petite balade country fort intéressante avec un texte génial. Donc, je vais vous faire entendre ça. Et il y a, bien sûr, Marie-Claude qui lance un projet anglophone. On la salue et puis on va se rappeler un beau souvenir, Sablier de Marie-Claude, qui est une artiste de l'Est de l'Ontario. Mais pour l'instant, Monsieur Monette nous dit que ça va bien aller. On l'écoute avec ce nouvel extrait dont le clip est disponible sur ma page Facebook. Ça va bien aller. Les portes et les fenêtres sont placardées, fermées. Il n'y a plus d'esprit en ville, les rues se sont vidées. Le rouge gorge a fait son nid. Je l'entends roucouler à ma porte d'entrée. Dessine-moi un arc-en-ciel à faire briller de la beauté. Ma tête a besoin de légèreté. Y'a trop de vies qui chamboulent, qui tiennent un fil si fragile. Ça va bien aller. Une autre chose toute la chaîne, je veux pas me faire lécher. Ma voisine qui crie fort, le fait rentrer. On a peur de toucher, de contaminer. Le chat de ma blonde se promène d'un air tanné. Je vois dans ses yeux qu'il n'y a aucune envie de se coller. Je sens qu'il a besoin de son espace sacré. Nos vies qui déboussolent, qui tiennent un fil si fragile. Aujourd'hui, j'ai dit à mes enfants qu'on vit une crise sans précédent, qu'il faut pas s'affoler, même si c'est un peu épeurant. Y a des gens qui prennent soin de nous maintenant. Je te jure, mon bel enfant, que ton père a plusieurs talents. Mais que les vrais héros et héroïnes maintenant portent une cape, un masque pis des gants. Dors, la nuit est si belle, je vais rester à côté de toi. Dors, rêve aux arcs-en-ciel, je te promets, ça va bien aller. Aussi ceux qui travaillent au front, tous ces aidants humanitaires, ceux de qui on parle moins mais qui ont le cœur si bon, tous ces braves qui travaillent en solitaire. J'aimerais tellement ça tous les nommer, mais on les compte à coups de milliers. Lors de nos maisons, on va leur envoyer un câlin, puis un bec soufflé. Dors, la nuit est si belle, je vais rester à côté de toi. Dors, rêve aux arcs-en-ciel, je te promets, ça va bien aller. mon corps, peu importe où on est. Je t'adore. Le sablier s'écoule si on reste ici. Notre univers s'écroulera. Secoue-moi dans un tourbillon de toi. Oh,